peut-être avez-vous un coup de gueule ou un sujet d'entrée. Oui, c'est-à-dire que j'ai suivi l'actualité et certaines émissions qui sont, vous savez que moi je suis, quand je suis à la maison, je suis scotché sur Afrique Média. Je n'ai pas, deux chaînes. Voilà. Et chez moi, c'est pratiquement une religion. Il n'y a qu'Afrique Média. Ouais, et pour tout religion. Le monde, pour voilà. Toute la famille, donc, même les voisins. Je n'ai même pas imposé, les gens ont pris goût. Moi, je n'impose pas. Voilà. Ça, je n'impose pas. Mais les gens ont pris goût et puis voilà. C'est parti. Donc j'écoute là. Il ne faut pas dénoncer. Faire comprendre à nos ennemis, dont la France et ses parrains internationaux, que nous sommes au courant de tous leurs plans. Les agitations qu'il y a au sud de la frontière tchado-centrafricaine, hein, Tchad, avec le mouvement des troupes françaises, il y a eu des émissions sur Afrique Média là-dessus, exactement. Troupes françaises, que ce soit ce qui se passe au Soudan, le Mali, le Burkina Faso, tout ça, ça fait rire. Mais au-delà du rire, mon cher Sidique, ça pose un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les Africains ne connaissent pas penser Afrique. Nous pensons trop pays. Alors qu'en face de nous, les gens pensent global. Les gens ont une idée de leurs intérêts qui n'est pas une idée nationale. Ils ont divisé l'Afrique en régions. La cartographie coloniale et néocoloniale de l'Afrique n'a rien à voir avec nos frontières que nous considérons comme étant sacrées et intangibles. Que l'intangibilité des frontières soit consacrée comme étant quelque chose de tactiquement compréhensible, mais en termes d'analyse géopolitique et de projection, c'est fait une erreur de croire que les problèmes du Tchad sont les problèmes du Tchad, les problèmes de la Centrafrique sont les problèmes du Centrafrique, etc. On ne s'en sortira pas comme ça. Il faut avoir une vision globale. Si vous analysez la question de ce mouvement de troupes qui se passe au Tchad, vous allez condamner le président tchadien. C'est l'attitude de la plus simple. Mais quand vous entrez dans le fond, c'est sûrement vous pensez que la question de Barkhane et de la présence militaire au Tchad relève seulement du président tchadien. Ce serait enfantin. C'est le problème de toute l'Afrique. Parce que l'installation de ces bases militaires a été faite sur la base d'une aventure coloniale qui s'est imposée par une violence. Et l'aventure coloniale n'avait pas pour champ de projection un pays. C'est toute l'Afrique qu'on devait coloniser et qu'on devait se partager. Ah ben là, on se partage, c'est l'Afrique. Ce n'est pas un pays qu'on a voulu conquérir. Et les bases militaires rentrent dans une stratégie justement continentale, de contrôle continental. Tant qu'on ne comprendra pas que la question de Barkhane, c'est la question de toute l'Afrique centrale et de l'Afrique, on va se mettre à tirer sur le président. Vous croyez que quand le Tchad fait une opération au Tchad, la France, quand c'est stratégique pour la France, vous croyez qu'elle demande l'avis du président tchadien? De moi, vous le pensez sincèrement? Non! Elle profite d'un avantage historique, n'est-ce pas? Qui s'est imposé et de la situation propre au Tchad, ou quoi qu'on dise, on a fait un pouvoir de transition qui n'est pas encore le mandat réellement dit, qui n'est pas consolidé et qui n'a pas les capacités de prendre certaines décisions d'un certain envergure stratégique. Donc c'est un pouvoir de transition. Avec la faiblesse, il y a une transition. Donc, la question qui se pose au niveau des présences militaires doit être envisagée du point de vue africain. C'est que du point de vue africain qu'on peut en sortir. Vous regardez le Mali, prenez l'enjeu malien. Pourquoi le Mali a des difficultés aujourd'hui? Mais parce que les Africains considèrent que c'est l'affaire du Mali. Et que quand la France quitte le Mali, elle va au Niger. Vous regardez? Et au Niger, elle se donne le moyen d'être encore plus dangereuse. Parce que maintenant, elle arme ouvertement, elle soutient ouvertement la Zawad. Le Niger devient un parc militaire de la communauté internationale. Tout ça pour encercler le Mali et déstabiliser la dynamique malienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, quand il a fallu frapper le Mali, qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé la CDAO. Vous voyez que c'est pour rien que Macron a mobilisé la CDAO? Parce qu'il sait que la CDAO, c'est quelque chose qui, sur le plan symbolique, engage toute la sous-région. Regardez bien la démarche. Toute la sous-région. Macron n'a pas opposé un pays au Mali, ça aurait été compliqué. Il a une démarche sous-régionale. Et cette institution a été créée pour les besoins de cette cause-là, justement. Et du coup, vous voyez comment? La volonté d'asphyxier le Mali, on est passé par la CDAO. Et quand le Mali et le Burkina Faso veulent s'unir pour lutter contre le terrorisme, la CDAO devient folle. Elle perd le nord et ses représentants disent tout et n'importe quoi parce que c'est vital pour eux. Donc, il faut aborder les choses, il faut ce que j'appelle le point de vue africain. Il faut avoir un point de vue stratégique africain. Alors, si j'ai bien compris, président Badakani, peut-être pour les téléspectateurs, vous voulez dire, président Badakani, qu'il est urgent aujourd'hui qu'en Afrique et pour les Africains de changer le paradigme de compréhension des défis. C'est très important. Oui, vous avez bien compris. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui. L'autre objectif que nous, sur lequel on réfléchit, c'est comment, à dire, c'est la question de l'Union africaine. Si l'Union africaine va travailler pour l'Afrique, d'accord, c'est pas le faire. Il faut faire émerger une institution qui va la mettre sous pression, qui va lui faire concurrence, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les questions de l'Afrique sont censées être portées par l'Union africaine. Et l'Union africaine doit être en mesure de développer ce qu'on appelle le point de vue de l'Afrique et de l'imposer. Mais que voulez-vous faire avec une organisation qui est payée à 80% par l'Union européenne? Donc elle n'est pas, c'est pas une institution africaine, hein. C'est pas rêvé. L'Union africaine n'est pas africaine, elle est de nom. Non. Depuis mon temps, vous voyez, je m'attelle ça parce que c'est vital pour nous. D'accord. Et maintenant, on veut s'en servir pour aller au G20, aller donner un siège au Conseil de sécurité. C'est une diversion qu'on est en train de faire dans un contexte où M. Borrell, le fameux soi-disant ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, une organisation coloniale, vous dit en plein 21e siècle que nous allons sanctionner les pays qui traitent avec la Chine et la Russie. Mais pendant ce temps, l'Union européenne traite sans aucune honte avec la Chine. D'ailleurs, madame, vous l'appelez von der Leyen. Elle est partie là-bas. Vous avez vu la place qu'on lui a donnée, non? Vous avez vu, non? Les Chinois l'ont mis à sa place. Tu es qui? On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Mais les mêmes gens, pendant que tu avais la Chine, vous interdisent à vous de commercer avec la Chine et la Russie. Les Américains votent une loi dans une des chambres de leur congrès pour. Mais monsieur Abouaka, on est au 21e siècle. Hein? Ça commence comme ça. La colonisation a commencé comme ça. L'esclavage commença comme ça, pas de petits actes comme ça, mais qui préparaient des dynamiques fortes. Vous comprenez? Vous croyez que les Occidentaux vont rester tranquilles? Ils sont en train de perdre dans le monde. Mais la base de repli naturel, c'est l'Afrique. Ils vont revenir ici. Et par tous les moyens. Face à ça, vous regardez au Soudan, ça explose partout. Mais c'est une dynamique. C'est bien pensé et organisé. Il y a un complot contre l'Afrique. Moi, je suis complotiste. Maintenant, le monde entier, maintenant, n'est pas complotiste ce qu'il veut. Parce que les complotistes ont toujours raison. Vous comprenez? Donc, il y a un complot sérieux contre ce continent. Et les amis se mettent en bataille. Pendant qu'on fait éclater le Soudan, on fait la manœuvre pour opposer le Tchad et la Centrafrique. On veut brûler le Mali. Le Burkina Faso est à feu. Tout le Sahel est à feu. Je laisse la Libye et le feu que ont créé là-bas. Tout un continent est dans le chaos. Mais d'après vous, pourquoi on fait le chaos? Dans le chaos, vous êtes faible, monsieur. Et on vous recolonise simplement. Et il revient donc aux Africains de se réveiller. Je termine donc. Oh, allez-y, président. Oui, d'accord. Vous voyez très bien que le chaos fait partie d'une stratégie. Allez lire le projet qu'on appelle Brzezinski. Allez lire les livres des grands géopoliticiens américains. Ils vous théorisent le chaos. Ce qu'on appelle une géopolitique du chaos. Quand on va annexer une région, on sème d'abord le chaos dans cette région. Quand il y a le chaos, les dirigeants sont faibles. Les populations sont faibles. Elles sont concentrées sur les enjeux de suivi. Elles ne pensent pas à l'histoire. Elles ne se projettent pas dans l'histoire. Et on peut leur faire valer n'importe quoi. Toute l'Afrique, c'est le chaos. Le Sahel, c'est quoi? C'est le chaos. C'est le feu. Le Soudan, c'est le feu. Le Soudan, c'est pas un petit pays dans l'Afrique. Allez voir la situation du Soudan, hein. Allez voir sa position géographique. C'est un pays hautement stratégique. Il a un feu. Mais il faut aussi mettre le feu à l'Afrique centrale. Et quand on fait tout ça, mais on fabrique les faux panafricanistes. Regardez comment ça émerge partout. Plein de faux. Et ça, c'est Macron qui a débloqué des milliards. C'est des milliards sont débloqués pour fabriquer des faux panafricanistes. Mais qui ont tous les panafricanistes. Je ne ferai pas l'honneur de citer les noms. Mais l'histoire va clarifier et en train de clarifier beaucoup de choses. Faut faire attention. Donc tout ça, c'est un plan, c'est le plan de M. Macron, qui a fait son dernier discours avant sa tournée africaine. Mais demandez-vous pourquoi un président fait une tournée. Il n'y a pas de tournée innocente. Quand il fait une tournée, et après la tournée, vous voyez des feux s'allumer. C'est pour ça qu'il fait la tournée. Il justifie avec un discours. Et derrière, il y a un budget. Il y a une stratégie. On censure, certains médias sont censurés sur Internet. Afrique Média avait ça. Est-ce que vous le savez? Il y a des pays où il est interdit de voir Afrique Média. C'est pas facile d'avoir Afrique Média dans un pays. Moi, par exemple, toutes mes interventions sur Internet sont censurées. Est-ce le fait du hasard? Pareil pour M. Tassinda. Or, les autres ne sont pas censurés. Nos algorithmes sont managés. On vous bloque sur un ensemble de vues. vous ne passez pas ces vues-là. Et vous allez sur notre plateforme. Pour caracoler. Il y a des robots qui vous suivent. Non, vous avez compris. Parce que quand vous allez ailleurs, vous caracolez. Moi, j'ai vu ça. Et moi, ça me fait rire. Très bien. Bon, ce débat-là, je ne fais pas. J'ai dit. Afrique Média. Le monde, c'est nous.